Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Bonjour à tous, je m'appelle Amaury. This is an intermediate lesson. C'est bien ça. And we're also going to go back to the halls of Belle Magazine, Fashion Magazine World. Eh oui, dans les locaux de la compagnie Belle où il se passe toujours quelque chose. And the last time we had a situation where Marcel Ritz... La fameuse Marcel Ritz. Yeah, the socialite who had just created a perfume. She was having a problem with the magazine. Tout ne s'était pas bien passé la fois passée. She was going to sue them. Oui. And so, let's see if today they might have found a solution to that. A way to make her happy and not to sue them for the bad perfume insert. Et donc, on écoute le dialogue. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. J'aime pas la couleur de mes joues. Avec cette lumière, ça fait bizarre. D'accord, d'accord, ma chérie. Cette couverture est pour toi. On va changer ça. Maquilleuse ! Alors, comment ça se passe ? L'éditeur en chef veut savoir. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'aime pas sa robe. Elle n'aime pas son maquillage. Elle n'arrête pas de se plaindre. Bref, elle est insupportable. Écoute, il faut céder à ses caprices. Si son petit chien doit être sur la photo, c'est pas grave. N'oublie pas qu'elle était à deux doigts de nous faire un procès. Mais elle se plaint même de ses chaussures, alors qu'on ne les verra même pas sur les photos. J'ai demandé un Coca Light. Light, c'est quand même pas difficile. So, she is a little difficile. À peine. Yeah, but from her rage and difficult character, we learned some great expressions. Tout à fait. So, the dialogue started with her complaining. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ouais. Things are bad. Donc, la chose qui ne va pas, c'est la couleur de ses joues. So, si elle n'aime pas la couleur de ses joues, it must mean she doesn't like her blush. Oui, exactement. What does she say is wrong with it? Avec cette lumière, ça fait bizarre. Avec cette lumière, the shade, ça fait bizarre. It's weird. That's odd. Ça fait bizarre. Voilà. So she thinks it looks weird, que ça fait bizarre la couleur de ses yeux. Oui. She's doing a photo shoot, obviously. So the photographer... Donc, dit, cette couverture est pour toi. That must mean they gave her the cover of the magazine, la couverture, to try to, you know, make her not so mad about what happened with the cat deodorant and the perfume. Exactement. That happened last time. To give her the cover of Belle magazine, la couverture. And so he calls for who? La maquilleuse. Maquilleuse, the person who does le maquillage. Exactement. The makeup artist. La maquilleuse. So then the secretary of l'éditeur en chef comes up to the photographer because she wants to know comment ça se passe. Because l'éditeur en chef, after what happened and she threatened to sue them, he wants to make sure that... Qu'il n'y a pas de problème cette fois-ci. That everything's going okay. Comme il y a un problème, il dit, je ne sais pas quoi faire. Yeah, when you have a problem and you don't know what to do about it, you can say, je ne sais pas quoi faire. Ouais, on dirait qu'ils ont essayé toutes les solutions... Because elle n'aime pas son maquillage, elle n'aime pas sa robe. Elle n'arrête pas de se plaindre. Se plaindre. Oui. Elle se plaint that she doesn't like le couleur de ses yeux. Elle se plaint avec cette lumière, ça fait bizarre. Elle se plaint, elle n'aime pas sa robe. Bref, elle est insupportable. Bref. In the end, bref. Briefly, she is insupportable. Insupportable, we cannot support her. We cannot deal with her. Exactement. Elle est insupportable. So, Mademoiselle Lefebvre, secretary, is to put things in perspective for him. Remind him what this is about. Donc, elle vient dire qu'il faut céder à ses caprices. Elle lui rappelle qu'elle était à deux doigts de leur faire un procès. À deux doigts de. This close to. Oui. Elle était à deux doigts de. And literally, she was at two fingers from. This close to. À deux doigts de leur faire un procès, to sue them. Exactement, oui. So whatever she wants, just do it. Il faut what? Céder à ses caprices. Céder à. So if I bother you and bother you, please, please, please. If you say yes, that means... J'ai cédé à tes désirs. Eh oui, c'est dur de résister. And they're not caprices, like Marcel Ritz. Non. So les caprices is just the whims, the capricious demands, just being difficult, really. Un caprice est vraiment une demande exagérée. Right. And the photographer, he has to. Il doit céder à ses caprices. Because Marcel Ritz, elle était à deux doigts de le faire en procès. Oui. So, you know, just deal with it. Même si elle se plaint de ses chaussures. Why is that ridiculous? Parce qu'on ne les verra même pas sur la photo, ses chaussures. Yeah. when the photo is published, on ne les verra pas. Oui. In the future. So it's stupid. Elle se plaint même de... De ses chaussures. Right. C'est un peu ridicule. On voit exactement ce que c'est un caprice ici. Right. And at the end, elle se plaint about her coca. So a Diet Coke in French is what? Un coca light. Un coca light. What did she say? C'est quand même pas difficile. C'est quand même pas difficile. Implies, you know... Vous pouvez le faire. Yeah, this is not hard at all. Why is it so difficult? Qu'est-ce que je demande? C'est quand même pas difficile to do it. Come on. Why don't we listen to the dialogue again? C'est parti. Non, ça va pas. Ça va pas du tout. J'aime pas la couleur de mes joues. Avec cette lumière, ça fait bizarre. D'accord, d'accord, ma chérie. Cette couverture est pour toi. On va changer ça. Maquilleuse! Alors, comment ça se passe? L'éditeur en chef veut savoir. Je ne sais pas quoi faire. Elle n'aime pas sa robe. Elle n'aime pas son maquillage. Elle n'arrête pas de se plaindre. Bref, elle est insupportable. Écoute, il faut céder à ses caprices. Si son petit chien doit être sur la photo, c'est pas grave. N'oublie pas qu'elle était à deux doigts de nous faire un procès. Mais elle se plaint même de ses chaussures. Alors qu'on ne les verra même pas sur les photos. J'ai demandé un coca light. Light, c'est quand même pas difficile. Hey, so I'm Murray. Yeah, Erica. You have a new girlfriend, don't you? C'est vrai, oui. How's it going? Ça va très bien. Par moments, elle a quelques caprices quand même. Oh, really? Like what? Elle trouve que je ne passe pas assez de temps avec elle. Really? Ouais. Well, it's not really a caprice. She just wants to spend more time with you. Ouais, mais parfois, ça peut être un caprice. Désolé, je suis un homme. Do you like her? Bien sûr. Well, c'est quand même pas difficile to find time to spend with her. Oui, mais avant, j'étais célibataire. Okay. Donc je passais tout mon temps avec mes amis. So bref, you're used to being able to do what you want. Voilà, et maintenant, ça fait bizarre pour moi d'être avec quelqu'un right. qui me demande de passer tout mon temps avec elle. But if you like her, you know, il faut céder à ses caprices. Ce n'est pas si facile, Erika. Je ne sais pas quoi faire. What do you mean, tu ne sais pas quoi faire? Just spend time with her. C'est quand même pas difficile. Oui, mais comme elle voit que je regrette mes amis, elle n'arrête pas de se plaindre et me dit que je ne suis pas vraiment avec elle. So she's jealous of your friends. Voilà. Alors, si je ne suis pas avec elle, ça ne va pas. Et quand je suis avec elle, ça ne va pas non plus. And that's why you say it's les caprices. Exactement. Well, if you really like her, il faut céder à ses caprices. Écoute, Erika, pour te dire la vérité, je suis à deux doigts de rompre. No, Amory, don't do it. Comme ça. No, it's not. Tu sais que j'aime ma vie de célibataire. Well, I think you'll be disappointed. Oh. You should make an effort. You say, je ne sais pas quoi faire, but I think you know what to do. Just don't be so selfish. Ok, peut-être que t'as... Make an effort to spend some time with her and everything will be fine. Ok, so, if you have any questions about this lesson, you can come to frenchpod.com and ask us. And you can also do some exercises and spend some more time in the keywords that we learned in this lesson. So, merci. Oui. Si vous avez des conseils pour à me donner, je les accepte avec volontiers. Salut, à bientôt. Au revoir.